Hamza, Hades, Ades, Hamza. Dites-moi, ils sont vous, ceux qui parlaient. Vous nous faites leur coucou, leur réparer. Aujourd'hui, y'a plein d'oudou, ceux qui chargent. Vous parlez derrière nous, nous viennent nous pomper. Dites-moi, ils sont vous, ceux qui parlaient. Vous nous faites leur coucou, leur réparer. Aujourd'hui, y'a plein d'oudou, ceux qui chargent. Vous parlez derrière nous, nous viennent nous pomper. Ils m'auront pas, j'ai d'autres chemins en tête, même si plus long sera mon trajet. Ils verront rien que dalle, laisse-les croire. Il n'y a que dans la salle, oubliez que dans ce bise on n'est pas sain, mais sans lien que attendre pour une place assise. Ils m'auront passé, promis. Une fois dedans, vas-y, essaye de m'arracher ce chromis qu'ils veulent, c'est oubliez qu'on prolonge nous faire danser. On trouve Paulin derrière l'autre, mais là ça commence à me stresser tout ça. Ya ya ya, clic clic, je n'ai plus de morale là. Je vais vider mon sacro ou ça va faire mal là. Clic clic, hey, mon chargeur est blindé. Vas-y approche, n'aie pas peur, hey. C'est une petite tragédie de rime. T'as cru vraiment qu'on allait céder. Ici, ah, DES et Hamza. Et encore là, prêt à foutre le souk et tout le monde est coupé. Les sons de Kaira, alors écoute celui qui passe là. Plus besoin de me présenter, tu connais les passeras. Un putain de son qui pète, que tu gardes en tête. C'est toujours le même gars derrière le même manette. Appelle-moi Hades, celui qui l'a posé. Là c'est les mêmes gars qui vont tout exploser. J'ai la pommade, alors on me boycotte. J'suis pas la tomate, qui veut jouer le coyote. Bizarre ton soirée, ma braguette soit ton bas. J'te fais pas des seins, tu fais la même pour 100 balles. Mais fuite d'un temps, personne ne connaissait. Aujourd'hui désolé, mais l'histoire va changer. Ils sont vous, ceux qui parlaient. Vous nous faites leur coucou, leur réparer. Aujourd'hui y'a plein d'oudou, ceux qui chargent. Vous parlez derrière nous, nous viennent nous pomper. Dites-moi ils sont vous, ceux qui parlaient. Vous nous faites leur coucou, leur réparer. Aujourd'hui y'a plein d'oudou, ceux qui chargent. Vous parlez derrière nous, nous viennent nous pomper. Pourquoi tu me tues toi? Avec ton œil figé sur mes projets. La poisse se couille toi. T'en es où depuis le temps de nos projets? Faut mieux que vous voir. Car maintenant en fond fils tout a changé. Envie de revanche dis-moi hein. C'est quand tu veux qu'on roule vite. Amène tes sujets, amène-les. Bizarre comment les gens reviennent après leur disparition. T'inquiète on était pas bien loin de notre mission. Nous, les fous MC que t'entends à la radio. Nous, on va les balayer devant le micro. Vous, croyez que les vrais sont devant vous. Tout, ça c'est du fond pour être devant vous. Laissez, pourquoi on nous boycott? Ça c'est mes skills, c'est une faux. On débarque, on est au bras et esquive crâne. Parce que t'as signe, toi t'as pas signe. Un plan, sur mon instru j'ai tout assigne. Voilà mon ami Maroc à la Tunisie. Là c'est les gosses bon. Et nos meufs vous connaissez donc. Soyez francs quand on est au MIC. Repartez la tête haute si on vous bouffe avec votre possible. Ils sont vous, ceux qui parlaient.